fais partie de ces jeunes qui refusent d'obtempérer. Tu le dos au micro, je viens d'exceller les chanteurs d'opéra. Je suis pas ces mecs fashion en boîte, jean taille basse. Je suis ce mec laine au stylo qui baisse la France. Rêve de farce dans le rap, lime ses rapports de force. Jeunesse sacrifiée par des couplets, pétards dans le hall. C'est ma génération, influencée par le deal. Je suis ceux qui rappent cool parce que la chance m'a dit bye bye. Agressif dans mes textes, donc la France elle est die die. Ceux pour qui fortune n'est qu'un rêve illusoire. Jeunesse sacrifiée pour la naissance d'une grande carrière. Fier car tout le monde me voyait parti perdant. Je casse des gueules dans le rap, on la provoque, je fais jamais ramadan. Je viens arracher la victoire dans l'écriture, un espoir. La rue reste mon critère, authentique ici y'a pas de star. C'est l'IMC et les contestataires non caster. Génération foutue et jeunesse sacrifiée. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive. Génération foutue, espérance à la dérive. Jeunesse sacrifiée pour la naissance d'une grande carrière. Génération foutue, tu nous vois sauter les barrières. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive. Génération foutue, espérance à la dérive. Jeunesse sacrifiée pour la naissance d'une grande carrière. Génération foutue, tu nous vois sauter les barrières. Je fais partie de ces jeunes sur qui l'État mise pas un euro. Métro, boulot, dodo, jamais de ma vie je pourrais adhérer. Adorer, je l'ai fait, le bonheur n'a fait que me mentir. J'ai cru en beaucoup de gens, mais la vie n'a fait que me maudire. Je fais partie de ceux, l'avenir pas coté à l'Argus. 22 piges abîmées, je suis bon qu'à poser sur la basse. Certains nous voient rappeurs, donc autant d'agression. Moi je pense mon son comme un moyen d'expression. Je développe mon écrit et les oppressés apprécient. Je fais partie de ces jeunes dont TF1 connaît nos récits. Des idées nocives pour un vécu démesuré. Paraît que je suis agressif et que j'ai du mal à m'intégrer. Je maudis celui qui me voudrait derrière des barreaux. Je suis ceux qui écrivent, tes plans tu peux te les carrer. Mon comportement importune, la France me veut une lésion. Je suis un mec sans fortune mais avec de grandes illusions. Génération foutue et jeunesse sacrifiée. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive. Génération foutue, espérance à la dérive. Jeunesse sacrifiée, pour la naissance d'une grande carrière. Génération foutue, tu nous vois sauter les barrières. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive. Génération foutue, espérance à la dérive. Jeunesse sacrifiée, pour la naissance d'une grande carrière. Génération foutue, tu nous vois sauter les barrières. Je fais partie de ces jeunes qui ont eu souvent la larme à l'œil. Des proches décèdent et on est de ceux qui vivent le deuil. J'dis que c'est die de croire qu'un jour la vie nous sourit. J'fais le compte de mes proches au ciel, conclusion ce monde est pourri. J'en ai sacrifié par des contrôles et des soirs au poste. Des entretiens d'embauche trop typés, rappés pour le test. Ces mentalités puériles motivent mes pensées néfastes. J'manifeste le droit à me redresser face à ce système. On me dit que je suis insolent, attends l'arrivée de mon môme. J'suis ceux qui veulent la paix entre Israël et Palestine. Nique sa mère la guerre, faisons tous l'amour comme Sharon Stone. Génération foutue et jeunesse sacrifiée. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive. Génération foutue, espérance à la dérive. Jeunesse sacrifiée, pour la naissance d'une grande carrière. Génération foutue, tu nous vois sauter les barrières. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive. Génération foutue, espérance à la dérive. Jeunesse sacrifiée, pour la naissance d'une grande carrière. Génération foutue, tu nous vois sauter les barrières. Jeunesse sacrifiée, on choisit pas ce qui nous arrive.